Bien bonjour tout le monde, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro. Toujours un plaisir d'être avec vous à chaque semaine à vous offrir l'excellence de la musique franco-canadienne de bout à l'autre du pays. On va entendre entre autres cette semaine du Raphaël Buckler, Beau Séjour, Sandra Lecouteur, l'album La Semaine, Petit bout de femme de Andy Saint-Louis, très bonne musicienne, vous allez voir. On va entendre également du Jeannie René, j'ai du Règlement 17, Stéphane McNicol, Louis Lefebvre en instrumental, un gars de la région de Penetanguishene. On va entendre également Marie-Véronique Bourque. On va entendre aussi du côté de l'Ouest, Paul Cournoyer, Étienne Fletcher et Pontex. Ça s'en vient bien sûr dans quelques instants. On commence tout ça avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Et très content d'être avec vous. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci au réseau RFA de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, Oui FM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO La Radio de l'Université d'Ottawa et CFRH La Radio francophone du comté de Simcoe, la région de Barrie en Ontario. En vol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission et bien sûr, commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Vous m'envoyez ça à canrockcdn@gmail.com. Allons-y avec le bloc des Maritimes. On commence avec une chanson souvenir du groupe Bois Joli tirée de l'album La veille du lendemain. C'est la pièce La cabane à fer à cheval. Vous allez voir, très beau souvenir. Par la suite, on va entendre Raphaël Buckler qui est en trois nominations pour les prix de la musique NB, soit album de l'année, chanson soquant de l'année avec En amour avec toi et vidéoclip de l'année Coin caché. Par la suite, on va entendre Madame Amélie Hall avec tout simplement le chemin des ressources. Elle qui, pour le Gala Country qui aura lieu, je crois, c'est à la fin octobre, eh bien, elle est en nomination pour interprète féminine de l'année. On lui souhaite la meilleure des chances. Donc, Amélie Hall dans quelques instants, mais pour là, on va écouter Bois Joli avec La cabane à fer à cheval. Les party-ers et les good Avec le bruit des chars qui passaient par la vitre entrouverte, collé toi et deux en dessous de la couverte de laine, et je savais que c'était vrai quand tu me disais je t'aime. Je ralentis dans le body, but c'est pour pas manquer. selling old PD trucker. Chemin des ressources de Mme Amélie Hall, qui est en nomination pour interprète féminine de l'année au prochain Gala Country. Et si vous allez sur culturecountry.com, eh bien, vous pouvez voir tous les détails du Gala Country qui aura lieu le 19 octobre prochain. Et ce sera possible sûrement de le voir si on va sur helico.tv. Je sais que l'année passée, je l'ai regardé de cette façon-là en simultané. Et puis, c'est assez intéressant. Il y a plusieurs trophées à donner, 14 trophées au total. Et il y a plusieurs artistes acadiens qui sont en nomination, entre autres Laurie Leblanc. Il y a aussi Annie Blanchard qui est là. Donc, plusieurs artistes acadiens y sont. Laurie Leblanc, Hurt Leblanc... Donc, c'est vraiment intéressant. C'est une belle vitrine pour les artistes acadiens. Donc, le Gala Country, c'est les 18, 19 et 20 octobre. Le Gala comme tel, c'est le 19 octobre. Et c'est à suivre, bien sûr, sur les ondes de Helico. On pourra voir ça. Voir si Amélie Hall va remporter une statuette. On va poursuivre, si vous voulez bien, avec deux nouveautés de deux groupes différents. Un premier groupe qui s'appelle Beau Séjour, qui comprend Jocelyne Baribeau et aussi Danny Boudreau. Leur nouveauté, c'est Lucille Star. Très belle chanson, vous allez voir. C'est vraiment magnifique. Et en duo avec Ronald Bourgeois, Danny Boudreau nous lance une nouvelle chanson que les deux ont écrit ensemble, Ronald Bourgeois et Danny Boudreau. Et c'est Enfant du Destin. Vraiment très intéressant comme pièce, vous allez voir. Je trouve ça vraiment magnifique. Beau Séjour qui sont pas mal en tournée un peu partout cet automne. Et bien sûr, au mois de décembre, Danny Boudreau va sauter sur le train des gars du Nord avec, entre autres, Wilfred Leboutillier. Donc, très occupé, ce Danny Boudreau. On l'écoute avec Lucille Star et Beau Séjour. Tant d'histoires dans ton regard et tant de mots dans tes silences. Dans le bleu de tes yeux noirs, les vagues de la mer en délivrance. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance. Comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour, une voix me rappelle toujours que peu importe les détours. Avec tes yeux de Lucille Star, tu iras loin, tu iras fort. Avec ta voix et ta guitare, tu n'as jamais cherché la gloire. Comme la lumière dans un phare, bateau ne s'égare la nuit quand la lune est absente. arrive toujours de nulle part, tout comme la marée montante est bien ancrée dans ta mémoire. Tant de souvenirs qui te hantent quand le soleil dit bonjour. Que la nuit rencontre le jour. Une voix me rappelle toujours. Que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort. Avec ta jamais chercher la gloire. Avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort. La gloire avec ta voix, puis ta guitare, tu n'as jamais cherché la reste un peu, viens t'asseoir tout près du feu. Écoute mon histoire, elle en vaut deux. Je te le jure, par un vieux. Pas si longtemps, j'étais comme toi, fort et puissant, pas toujours droit. Frères et sœurs, pensez comme moi, changez le monde, bras dans les bras. On était jeunes, on était fous, libres devant tout, le feu dans les veines, le cœur prêt à tout. On était jeunes, on était fous, on y croyait jusqu'au bout, rêve. Enfant du destin. On s'est levé contre la misère, vu des murs devenir poussière. Un nouveau monde, notre prière. Peace and love. Le feu dans les veines, le cœur prêt à tout. On était jeunes, on était fous, on y croyait jusqu'au bout. Rêveurs et poètes, enfants du destin. Les années passent et se ressemblent, les traces du passé nous rassemblent pour faire briller. C'est toutes les barrières, percer le noir avec l'espoir. Pour faire tomber les frontières, ensemble seuls sur cette terre. Rêveurs et poètes, enfants du destin. On a marché dans les rues. Pour la paix, on s'est battu. L'écho de nos voix résonne toujours dans l'univers ce chant d'amour. On était jeunes, on était fous, libres devant tout, le feu dans les veines, le cœur prêt à tout. On était jeunes, on était fous, on y croyait jusqu'au bout, rêveurs et poètes, enfants du destin. Rêveurs et poètes, enfants du destin. Bonbon pour les oreilles, Ronald Bourgeois, Danny Boudreau, Les enfants du destin. Donc vraiment très intéressant comme pièce. Deux bons, sinon le meilleur auteur, compositeur, interprète de l'Acadie en ce moment. Parce que bien sûr, il y avait Denis Richard qui nous a quittés malheureusement. Lui qui était vraiment génial au niveau de l'écriture. Danny Boudreau donne pas sa place, vraiment une belle plume également. Et Ronald Bourgeois, lui, qui est de Chiticam, mais qui demeure maintenant à Halifax, c'est un autre auteur, compositeur, interprète de grand talent. Et les deux ensemble, Danny Boudreau et Ronald Bourgeois, vient de nous lancer une superbe belle chanson, Enfant du destin, vraiment magnifique. Ce qui est magnifique, c'est qu'il y aura le Cormoran qui va sortir très, très bientôt. Et si vous dites, ben le Cormoran, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un quatrième album pour Sandra Lecouteur et que je suis content de vous faire entendre la première pièce de cet album-là. Quand la nuit tombe, voici Sandra Lecouteur. Quand la nuit tombe, que tout devient ombre, retombe la poussière de toutes les guerres. Alors le vent se lève, dépose sur toutes les lèvres une larme du ciel, un goût de sel. Toute la beauté du monde s'éteint en une seconde sous une pluie de bombes. Et la malgré toutes les prières, se lance d'être en guerre. Quand la nuit tombe, quand tout devient sombre, une vie sans lumière, une vie d'enfer. La marée se lève, dépose sur la grève un enfant qui dort, petit trésor. Toute la beauté du monde s'éteint en une seconde sous une pluie de bombes. Et la terre au-delà des frontières, malgré toutes les prières, se lasse d'être en guerre. Quand la nuit, qu'importe le nombre, c'est payé trop cher, beaucoup trop cher.